les parents prennent pas leur place. Moi, je pense que les parents ont décidé d'abandonner leur responsabilité en matière d'éducation. Oh, c'est un bon point. On est obligé de... Quand vous voyez la place que prend un ancien comédien à faire la promotion de bracelets mauves, là, pour dire l'intimidation, ça n'a pas d'allure. Si les parents prenaient leur place et si les petits bums se faisaient serrer les jouis à la maison, là, comme on se les faisait serrer dans les années 70, je ne fais pas la promotion d'une discipline éhontée. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, si un serrage de bras qui se fait aux bonnes places, à un moment donné, le message va passer. Mais là, on demande à la société d'élever nos enfants. Résultat, il y a un comédien qui va donner l'évêque aux deux semaines pour passer un message. C'est un peu ça, pareil, hein? Oui, ben on a renoncé en tant que parents. Les comités d'école qui sont constitués pour l'essentiel de parents jouent un rôle secondaire. Insignifiant, hein, plus que secondaire, à mon avis, insignifiant. C'est une bébelle. Oui, tout à fait. Alors, il y a une réflexion en profondeur à faire en matière d'éducation au Québec et en particulier sur le rôle des parents. Moi, je considère toujours que les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Absolument. Et